Jean-Gol Gaultier. Mais n'importe quoi. Yvette Horner, elle a été... Jean-Paul Gaultier. Mais vous dites que des conneries, vous savez rien, bande de câbles. Mais t'es taré ou quoi? Tout va ensemble. Attends, la coiffure, bien sûr. Attends, quand elle avait ses trucs bleu-blanc-rouge, c'était Jean-Paul Gaultier. Mais non. Mais c'est qui, alors? Mais non, ça n'a jamais été... Bon, t'arrêtes avec c'est ça, pas ou moi, je t'éclate. J'étais comme ça. Ou je t'éclate le bénir. C'est un auditeur. Bonjour. Là, c'est moi, tu vois. Il y a une différence de son, non? Ah ouais, ouais, vous arrêtez avec ça. C'est Joe Cocker. Bonjour, c'est Joe Cocker. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Toi, c'est pas moi. Toi, j'ai su que c'est Jean-Louis Aubert. Toi, il l'a pas, Jean-Louis Aubert. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Bon, ça y est? Enfin bref. Eh putain, mais vous êtes vraiment des enfoirés tous c'est les deux. Pas hein. Moi. Je vous demande. Je les ai coupés. Vous êtes vraiment des enfoirés quand c'est Max, vous foutez pas votre merde, et quand c'est moi, vous foutez votre merde grave de chez grave. Hein. Donc on en était où? Donc on est en train de discuter de soi-disant l'histoire. Non, Yvette Horner avec Jean-Paul Gaultier. C'est qui voulait parler de ça, là? C'est M.C. Soulard. Moi, je sais que, comme disait Philou, il avait fait une robe le bleu-blanc-rouge, qui était assortie à son accordéon. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait eu... Parce que tu crois qu'il y avait eu un accordéon bleu-blanc-rouge, toi? Bah oui. Bien sûr. Non, mais n'importe quoi. Une émission spéciale chez Pascal Sevran. Ben. Ouais, bah attends, Pascal Sevran, on n'en a rien à foutre. Bah oui, mais voilà, c'est tout. On s'en fout. Bah, c'est tout ce que t'as à dire? Bah, tu me demandes, je te réponds. Tu me demandes est-ce qu'il a fait une robe, je te dis oui. Non, moi je te dis que non. Et ben moi je te dis. Aspo. M.C. Soulard a raison, il a même fait un appart. Elle a tout son appart en bleu-blanc rouge. Mais bien sûr, bien sûr. Vous allez me faire avaler ça? Il paraît même que sa chatte, elle est bleu-blanc rouge. Ouais, bien sûr. Elle n'a pas le cul bleu-blanc rouge? Il lui a fait le cul aussi. Non, mais vous êtes vraiment des nazes, là. Il paraît rigolo. Un kiss en bleu-blanc-rouge, parce qu'on fait à la mode en ce moment. Ouais, bah alors, attends. M.C. Soulard ou Noamo Combo ou Aspo, prochain qui s'amuse à dire une connerie, je ne veux pas hésiter. J'en prends un au hasard, il va gerber. Bah non. Grave de chez grave. Ouais, c'est pas moi. Non, ça c'est pas moi. J'ai envie de calin. C'est quoi? Non. Alors vous lui foutez la paix, d'accord? Et toi le premier qui... Tu vois, c'est pas moi celui-là. Ouais. Non mais Gérard, sérieux. Okay. Hey. Tu arrêtes. Balancez, j'ai envie de câlin là, vas-y. J'ai envie de câlin. Okay. Bon, alors Noamo, au revoir. Hop. Noamo Combo, tu lui dis au revoir Manu, s'il te plaît, tu reprends quelqu'un d'autre. Merci. C'est qui Noamo Combo? Raccroché. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Alors, on a fini avec l'histoire de Laetitia Casta. J'ai envie de câlin. Putain, mais vous commencez à me les gonfler sérieusement. C'est quel auditeur qui fait ça? C'est pas grave, enchaîne. Vas-y. Hein, je commence à en avoir ras-le-bol. Allez, enchaîne. Vas-y. Hein. Bon, alors, pour ceux qui... Pensez-vous que... Ah, une question qui est bien. Pensez-vous que les nanas gagnent plus de prix que... Merci, Fulda. Ah, putain, c'est... Jean-Marc, fais pas le con, c'est pas le soir. Là, c'est chaud. Jean-Marc, putain. On dirait qu'on nous a trouvé le tympan avec des aiguilles. Jean-Marc, c'est bon, j'ai remis. Allez. Non, c'est toi, là. Non, mais regarde. Allez. Tu vois, là, t'entends? Reviens. C'est bon. Attends, c'est grave là. C'est Jean-Marc qui fait des essais. Attends, pas à un moment donné, t'as plus rien. Non. Mais attends, mais c'est lui mais qui c'est coupe bon, là. Mais non, c'est pas moi. Fais des essais à côté. Vas-y. Bon, pensez-vous que les. Tu l'as dit à Jean-Marc? J'arrive pas à le voir. Jean-Marc. Jean-Marc. Allez, Jean-Marc, c'est pas le con. Punaise, Ah, c'est pas le con. Oh là là. Allez, vas-y, t'as envie de... Bon. Fildar, tout à l'heure, je vais t'éclater. Excusez-moi, cher ami Gérard. Ouais. À la place de Naomo Kambo, que t'as viré comme une de mer, on accueille Poussou Rabanne. Bonsoir. Salut, Gérard. Bonsoir. Salut, Poussou. Je fais mon comeback. Quoi? Ok, le mec. C'est de l'anglais, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il t'apprécie beaucoup. Allez. Bon, pensez-vous que les mannequins gagnent plus? Les mannequins. Des maniaquins. Oh là là, oh. tu fermes ta gueule, toi, et puis c'est tout. S'il te plaît, tu restes tranquille un peu. Oh, si t'es pas content, tu dégages. Non, non, pas du tout. Oh, vous allez vous... Bon, pense à vous que les mannequins gagnent du pognon plus que d'autres. Bah ouais. Alors oui, qui? Bah, Pousse au Rabanne. Ouais, alors vas-y. Bah alors, bien sûr, qui gagne plus d'argent que les autres. Non mais attends, explique. Comparer le salaire d'un mannequin et le salaire d'un éboueur, ça n'a rien à voir. Non mais attends, tu peux préciser... Oh là, oh. Bah, précise, c'est juste qu'il se fait plus de thunes, quoi. Il n'y a rien à préciser, c'est... C'est tellement ridicule comme question. C'est mathématique. Ouais, ouais, c'est ridicule. Non, non, c'est t'en as une de bien, une question. J'ai envie de câlin. Eh, vous me faites chier avec vos câlins, tout à l'heure, vous allez vous faire enculer avec vos câlins. Câlin, oui. Eh, putain, mais... Je peux rien faire, Gérard. Arrêtez les auditeurs avec ça, merde. J'ai envie de câlin. Donne-lui de l'affection un peu, mets-lui dans les fesses. Ah là là. Bon, Chamel, dégage. Essaye de l'appeler. Et justement, Manu, Chamel, j'ai viré Chamel. Essaye d'appeler Sandy, justement, qu'on voit. C'est dans le allez, là. Voilà. Chamel, on lui dit au revoir. Sandy, ouais, Florian, en mislin. je sens que tout à l'heure, ça va encore déménager sec. Je viens d'en virer deux, mais je crois que ça va encore virer. MC Solar. MC Soulard. Oui. Bon, tu réponds à la question. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui... Non. Bah si, qui se promène dans ce milieu-là. Et je pense que l'argent est principalement monopolisé par les filles. Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même savoir que les filles, ça gagne à peu près le double de ce que gagne un homme. Et c'est encore un bel exemple de la non-égalité des sexes. Mm. Non mais, par contre, moi, une question que je vais vous poser... Pour ça, là. T'es toujours là? Ouais. Abso. Apo ou Apo-Pabo? Apolline. Ox-Pabo. Ouais, Ox-Pabo, là, t'es toujours là? Ouais. Bon, une question que je vais vous poser, moi, je sais pas si vous allez répondre, même MC Soulard. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Putain, mais c'est dingue, là, le double son que... Je sais, mais j'y peux rien. C'est grave de chier. Non, là, tu m'as tout coupé. Et là? Ça résonne, là. Ah non, mais là, ça résonne grave. Et là? Là? Ah non, mais... Et là? Mais non, mais arrête ta connerie! Mais c'est pas moi, vas-y! Il y a un problème avec le son, je fais écouter. Voilà! Ah non, mais c'est grave là! Vas-y! Mais non, mais ça marche bien! Non, mais attends, moi. Moi j'entends comme des petits crapauds. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça se passe bien! Ouais, c'est bon le son, nickel là! Je comprends rien là! Ah là, non, là, c'est là! Ah, c'est bizarre! Jean-Marc, de lui! Gueule Jean-Marc! Non, non, c'est lui là! C'est l'autre là! Attends! Il y a quoi là? Ah, c'est bon là! Mais non, je plus rien, merde! Et là? Ah, c'est bon là? Ouais, là ça va mieux là. Oh là! Là c'est un débat là. C'est nickel là. Débat de merde là. J'enlève le THX. Non, il y a pas mal de trucs. Hein, on a avancé un peu dans le débat. Ouais, je crois. Je crois pas qu'on aille avancer parce que là c'est grave. C'est grave. Oh, t'arrêtes un peu! Oh, le Dolby ça ressort bien là. Ouais. Mais putain, mais! Au standard, vous faites de la merde, et là vous foirez encore là les débats. Noémie, elle est là, Noémie, appelle Noémie. Putain, mais toi tu m'as dégagé d'ici, toi, parce que tu m'énerves. Appelle Noémie. Bon, Noémie, tu viens au standard. Il y a Olivier de la Pro, si tu veux. Ta gueule, toi. J'ai le jambon en plastoc à trop fourrier. Allez, dégage, toi, au revoir. On va essayer d'appeler. Mais non, c'est sa messagerie, encore. Saucisson à l'ail mystère. Mais oui, c'est sa messagerie. Non, saucisson à l'ail mystère à ton merde. Noémie, appelle Noémie. Chibredin de mystère, là, c'est ça. Noémie! Bandit Panda mystère. Ta gueule, toi! Bandit Panda. Attends, va la chercher. Bumbo. Vas-y, cours! Vas-y, Steve! Va chercher Noémie! Non, c'est le bordel, là! Mais oui, c'est Noémie. Ouais. Gère pas ton débat, GG. En plus, tu pues. Noémie! Noémie! Dans le bureau! J'essaye de m'appeler Sandy, s'il te plaît. Pas compris. Et tu te mailles un peu. Comment? Ouais. Oh, toi, tu fermes ta gueule, tu fais ton boulot au standard. Non, je la booste un peu parce qu'elle est honte. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. C'est pas toi qui commande. Alors, tu fais ton boulot et tu t'écrases. Chiant. C'est chiant. Ok. Mais t'es tombé, toi, ou quoi? Gérard. L'audience chute. Ouais, mais c'est de leur faute, là. C'est quoi, c'est de crabe, là? Non, mais là, il essaie de gagner du temps parce qu'il a pas d'autres questions. Mais oui, il est dans la merde. Si. Une question que je pose aux auditeurs, pensez-en. Avant ça, on accueille Estelle. Bon, ouais, ta gueule. Mais on accueille une auditrice. On accueille Estelle Olida.

Bande rapport. Ouais, d'accord. Et t'appelles d'où ? J'appelle de Paris. Bien sûr. Mais c'est très cher. Et l'autre derrière ? Al Pacino. Puccino, pardon. Al Puccino, t'appelles d'où ? J'appelle... Allez, Bordeaux. Bon, ouais, ouais. Non, allez. J'appelle de Boston. Je suis sur le tournage de mon dernier film. T'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule, t'appelles de Paris. Allez, hop, 101 point 9 pour toi. Non, pas du tout, je passe pas. 101 point 9, vous êtes tous de Paris. Y'a personne de la... Non, mais c'est fashion, c'est la mode, hein, c'est Paname. C'est fashion, c'est Paname, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Ah non mais attendez, à chaque fois c'est pareil, vous me mettez rien que des auditeurs de Paris. Parce qu'ils t'ont pas dit, mais t'es mec que sur Paris, on est en local. Ouais, c'est ça, t'as raison, espèce d'abruti. Ouais, prends pas de risque. Bon, on vient un peu dans le débat maintenant qu'on a tout le monde là, parce que... Allez. Bah ouais, mais on a que des mecs, on a même pas une seule nana, alors c'est... Bah je vais trouver. Non, j'ai essayé, ça fait 20 fois que j'ai essayé. Mais attends, tu vas arrêter de me mettre ton truc, tu vas mettre un peu l'internet là, qu'on essaye de savoir ce qui se passe. Mais ouvre tes yeux. Il a l'internet depuis tout à l'heure. Alors, mais je veux savoir s'il y a des questions intéressantes. Mais non, il n'y a rien. On va essayer d'appeler Véranda Mystère. Fildar, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça parce que ça m'énerve là. C'est pas moi. Grave de chez grave, ça m'énerve. Mais arrête de dire ça, tu crois. Non, mais ça m'énerve. Ou quoi. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve là. Tu vas débattre avec Difool ou quoi. Parle juste au foyer ou quoi. Tranquille. Qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Attention. Alors je veux savoir qui c'est. Bon, la question là. Non, je veux savoir qui c'est qui vient de parler du foyer. Il parce qu'il a trois pauvres questions, alors il s'est traîné, c'est ça en fait. Son c'est qui vient de dire ça? C'est qui là? Tu cartonnes. Et putain, mais je. Dire ça mais je sens que je vais en sacrer un tout à l'heure. J'ai envie de câlin. C'est sors en un au pif, allez. Allez hop, tu me sors. Dis-moi. J'ai un truc de Bruno. Tu me sors Soula. Allez, hop, Soula. Ah, ça faisait longtemps. Hop, t'as vu, terminé. Ça y est. Et tu me chopes une nana. J'en ai une justement. C'est qui? Agnès Q. Oui, bonjour Gérard, c'est Agnès Q. Ça suffit. Oui, bonjour Madame Q. Bonjour Madame Q. Bonjour Monsieur Mazur, bonjour tout le monde. Allez. Bonsoir Madame Q. Bonsoir. T'appelles d'où Mazur. Oui, bonsoir Monsieur. Oh bonsoir, monsieur. Vous laissez parler. Oh oh les câbles là. Bon, Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, je vous ai. On se tait, bande part là. Monsieur bandera pas, s'il vous plaît. Ouais, bandera pas là. Tu banderas si tu veux après. Oh, c'est très drôle, on me l'a jamais fait ça. Al Puccino, vous calmez, elle appelle d'où, d'Agnès Q, de son slip. De Paris, capitale de la mode et du monde. 101.9 comme ça. Fashion, hein. Putain, fashion, mais c'est... Ouais, fashion. Comment? Oui, je suis une fashion victime. Quoi? Laisse tomber. Bon, allez, vas-y, vous en faire une. Essaye de trouver une question rapidement, là. Bon, alors... Tellement mauvais. C'est clair. Le vieux gars, quoi. Bah, le vieux gag à 10 balles, de toute manière, c'était... Non, est-ce que, tiens, moi j'en ai une question, parce que je vais sortir de ta merde. Vas-y, de toute manière, tu es là pour ça. Bon, c'est un métier, on considère que la mode, enfin être mannequin, c'est un métier. Ouais. Est-ce qu'il y a des cours, par exemple, tu sais, quand il faut marcher, tu sais, là, il faut bien marcher, il faut avoir une posture, il faut avoir une certaine démarche. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une façon de porter les vêtements mieux que... Ah, très bonne question, monsieur. Très bonne question. Très bonne question. Que Véranda Mystère. C'est chaud. Non mais ils sont tombés, c'est pas grave. Spirouli, quoi. Non, ouais, pour la question. Je crois que monsieur Spirouli a... Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. C'est la cinquième. Vous allez vous calmer, vous allez répondre correctement à cette question. Mais j'allais répondre à la question qu'a posée monsieur Spirouli, qui est une question. C'est pas monsieur Spirouli. Puis toi, Chaud là-bas. Non, ce qu'on va faire. Non, j'ai une question. Mais vous arrêtez avec Chaud là et. Attends, je vais demander. Oh là là. Bon, allez, Mazur, tu me le dégages. C'est pas le problème. Mais Gérard, j'ai une question sur internet. Attends, ce qu'on va demander, c'est à Capitaine Haddock de laisser déjà la répondre Gérard. Gérard, tu réponds à la question. La question est: est-ce qu'il faut suivre des cours pour faire de la mode? Clair, net, précis. Voilà. Monsieur Mazur, on lui dit au revoir. Mais attendez, Monsieur Mazur, il a rien dit. Moi, j'ai une question. Monsieur Mazur, au revoir. Parce que monsieur Emmanuel Standard, s'il vous plaît, monsieur Spirouli peuvent témoigner, je n'ai absolument rien fait. Nous témoignons, je trouve. Je m'insurge. Il vire tout le monde. Tu me coupes le mec qui a la radio là? Oh là là. Oh là là, c'est Alfonso là, le mec qui bande pas là. Hé, hey, bande à part là. Non, ça y est, je l'ai viré. Bon, alors tu lui dis au revoir complètement parce qu'il m'énerve celui-là. Ouais, d'accord.